Dossier 4, livre page 42. Le directeur demande à l'enseignante de classe : quels moyens de transport utilisent vos élèves ? Pierre va à pied, Luc va à vélo, Corinne en bus, Ali en voiture et Mustapha va en moto.